pour ça donc je vous donne les sources. Je vous conseille déjà d'aller voir avant le cours. Pour ceux qui ont préparé, peut-être, j'ai vu quelques frères qui étaient à la mosquée qui préparent le premier hadith du livre de Cheikh Rabi'a qu'on va faire. Et ça, c'est un bon point, c'est de préparer déjà à l'avance. D'accord? Ça, c'est un conseil de ma part, Inch'Allah. Donc, Al-Ikhlas, le premier point, la sincérité, de Kitab al-Ilm, de Cheikh Al-Uthaymin, qui est un livre très connu dans tout ce qui concerne la demande de la science, Talab al-Ilm, et c'est page 27. Deuxième point, Inch'Allah, qu'on va analyser ensemble au niveau des manières ou des bienséances observées pendant l'acquisition de la science, c'est Taqwa, Miftah ou Bab al-Ilm. La crainte d'Allah est la clé de la science. Et j'avais déjà traduit à l'époque, Inch'Allah, je peux vous le procurer, Inch'Allah, en photocopie. Je l'ai en français déjà prêt. Je l'ai ici pour celui qui le veut. Et c'est tiré d'un livre qui s'appelle An-Nubadhu fi Adabi Talib al-Ilm, de Hamad al-Uthman al-Kuwaiti. Il a fait un livre donc, qui rapporte plus ou moins 100 conseils au Talib al-Ilm. Et il y a un chapitre, un des 100 points, c'est sur le fait que la crainte d'Allah est la clé de la science. Troisième point qu'on va voir, Inch'Allah, c'est l'amalu bil-ilm, le fait de pratiquer cette science qu'on acquiert. Ce point-là, Inch'Allah, ce troisième point, on va retourner, Inch'Allah, dans Kitab al-Ilm de Cheikh Al-Uthaymin, qui est un livre que je conseille vivement pour toute personne qui veut acquérir la science, parce qu'il donne beaucoup de conseils. Il montre aussi les choses qu'il faut éviter. Il parle même de l'ordre des livres par science, par chaque science, il étudie l'ordre des livres, quel livre a étudié avant l'autre ou après l'autre, etc. Il donne des conseils sur la bienséance, sur comment apprendre, etc. Et il montre aussi le contraire. Et l'autre moitié du livre, c'est que des questions-réponses dans Talab al-Ilm. C'est un livre que je recommande vivement d'acquérir également. Donc, Kitab al-Ilm, et ça, c'est page 33. Quatrième point, Inch'Allah, as-sabru ala ta'allum. Le fait de patienter lors de cette acquisition de la science, lors de cette demande plutôt de la science. Et ça, c'est page 42 du même livre de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Cinquième point, Al-Hifz, Kitab al-Ilm, le fait de préserver cette science par la mémorisation et par le fait d'écrire. Je reviens encore à ma nasiha, de prendre une feuille et un stylo pour écrire. C'est très important. Certains salafs disaient que l'arme du talib ilm, c'est, hein, ou bien le filet comme le filet du pêcheur pour le talib ilm, c'est le stylo, justement, c'est le qalam. Et ça, on va retourner, Inch'Allah, dans le livre que je vous citais, An-Nubadhu fi Adab Talib ilm, mais je n'ai pas la page. Non, c'est page 62, voilà, page 62. Donc après cette introduction, Inch'Allah, on a dit l'importance de la science, ensuite les bienséances à observer, les bienfaits des assises à la mosquée, ensuite les bienséances aux manières à observer pendant l'acquisition de la science. Inch'Allah, là on va rentrer plus à proprement dit dans le livre de Cheikh Rabi', mais je pense qu'il convient, avant de rentrer encore une fois dans le livre de Cheikh Rabi', de présenter qui est Cheikh Rabi' et de défendre Cheikh Rabi' par rapport aux nombreuses attaques qui ont été faites sur ce grand savant. Donc, point 2 de l'introduction, présentation du livre de Cheikh Rabi' et de son auteur. Dire cette partie-là, je l'avais déjà fait et je l'ai en audio, ou d'autres frères ici l'ont, mais je l'ai retrouvé. Pour ceux qui veulent l'avoir à la maison, donc en audio, c'est des cours que j'avais déjà enregistrés à l'époque. Donc, spécifiquement sur cette partie-là, présentation du livre de Cheikh Rabi' et de son auteur, et une défense de Cheikh Rabi'. Et en fait, on va rapporter, Inch'Allah, toutes les recommandations des savants par rapport à Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, qui est un illustre savant du hadith. Donc, son livre, qui est un épître concis, en fait, de hadith sur la croyance, al-aqidah, et al-ittiba', le suivi. Donc, le sujet du cours va être la croyance et le suivi. La croyance correcte et le suivi correct également. Et donc, c'est 21 hadiths. Et on verra, Inch'Allah, la raison pour laquelle l'auteur a écrit le livre. Et cette raison est donnée par le cheikh lui-même dans l'introduction du livre. D'accord? Ensuite, on rentre, Inch'Allah, proprement dit, dans le livre. Et on commence par le premier hadith, et ainsi de suite, Inch'Allah, jusqu'au 21e hadith. Il se peut que pour une raison ou une autre, par rapport à un sujet traité par Cheikh Rabi', ou le fait qu'il cite une source, Il se peut qu'on sorte du livre et qu'on aille voir cette source, par exemple, plus en détail, il se peut. Ou par exemple, par rapport à une remarque d'un frère, ou quelque chose où on a besoin un peu plus de détails, comme on n'est pas des savants, eh bien, on va préparer ça à l'avance, inchallah, et on préparera un petit cours sur le sujet, et pour répondre, inchallah, à la demande du frère. Ça va, c'est clair pour l'introduction, inchallah? J'ai besoin. Il faut que je répète ou. C'est bon, inchallah? Ouais. Quatrième point, c'était As-sabr ala ta'allum. C'est tiré de Kitab al-'Ilm Sheikh al-Uthaymeen, page 42. Là. Il s'appelle An-Nubadhu. An-Nubadhu fi adabi. Essaye de l'écrire de manière phonétique. Donc tu peux. Fi adabi. Talib al-'Ilm. Hamad al-Uthman. Hamad al-Uthman. Donc maintenant, inchallah, on rentre dans le livre de Cheikh Zayd, Matr Ali Hafidahullah Ta'ala. Et donc, il cite des versets, ensuite des hadiths, et ensuite des paroles de salaf concernant l'importance de la science. Je pense qu'aujourd'hui, Allah Alim, on aura le temps juste de faire les versets du Coran, mais je pense que, inchallah, on va aller tout doucement, c'est important. Donc, le Cheikh, il commence Hafidahullah en disant: قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Donc je lis chaque fois, inshallah, la parole de Cheikh Zayd en arabe et je traduis directement après, donc vous inquiétez pas. فقد دلت هذه الآيات المحكمات على فضل العلم الشرعي وشرفه وتكريم الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان من سواهم ملائكة كرامة. Donc Cheikh Zayd al-Madkhali حفظه الله تعالى dit, commence en rapportant un verset du Coran, de sourate al-Baqarah, verset 31-33. En disant donc la traduction approximative du sens des versets sur le Baqara 31 à 33. Une remarque ici pour beaucoup de frères qui font les traductions, ils disent Allah a dit ou qu'Allah Allah, et ils disent directement le verset en français. Et ceci est interdit, il faut dire la traduction du sens du verset ou dans le sens du verset. Donc la traduction approximative du sens de ces versets de sur le Baqara dit: et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit: ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah a dit: ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachiez. Donc ces versets clairs, Cheikh Zayd al-Madkhali donc commente ces versets-là en disant: ces versets clairs indique la préséance de la science, fadl al-ilm, de la science islamique et sa noblesse, ainsi que le témoignage d'honneur et de respect envers les gens de science. Et l'annonce de leur préséance sur autre qu'eux, même si ce sont de nobles anges. Donc la première preuve, sur le Baqara, verset 31-33, Allah Azza wa Jal nous explique la préscience et la noblesse des gens de science, et même si sur autre que, et même si autre que eux sont des nobles anges. Deuxième preuve du Coran. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Cheikh Zayd donc commence verset en disant: والمعنى كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف بل كله حق يصدق بعضه بعضا وأوامره ونواهيه عدل ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه ما انقاد إليه ولا اتبعه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. Donc ici, Cheikh finit la parole d'Ibn Kathir. Et ensuite, Cheikh Zayd commente la parole d'Ibn Kathir et le verset lui-même. Il dit, قلت, يعني Cheikh Zayd, ومن أنعم النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العالم بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله وأنهما لا يلتقيان في خط بحال لأن الضدين لا يجتمعان والنقيضين لا يتفقان وحقا ما قاله رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الحديث. Donc Cheikh Zayd rapporte la deuxième preuve dans la traduction approximative est donc verset 19 de Surat Ar-Ra'd. Verset 19, Surat Ar-Ra'd. Donc le premier c'était le Baqarah, verset 31-33. Maintenant c'est Surat Ar-Ra'd, verset 19. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Donc le sens de ce verset, comme l'a dit Ibn Kathir, évidemment dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, qui est une des meilleures exégèses du Coran, le sens de ce verset, comme l'a dit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne sont pas au même degré. Celui qui parmi les gens sait que ce qui est descendu sur toi, ô Muhammad, de ton Seigneur, est la vérité, sur laquelle il n'y a aucun doute et pas de divergence. Essayez de ne pas trop travailler en système de dictée parce que je ne crois pas que vous allez suivre. Essayez de prendre plus de prises de notes des points importants, Inch'Allah. Et à la fin, on va faire un exercice de groupe, Inch'Allah, et de tâches individuelles pour essayer de se rappeler, Inch'Allah, les points importants. C'est plus c'est pour résumer. Comme d'ailleurs, vous avez vu Cheikh Rodayen, chaque fois, il rapporte des points à la fin de... Hein, les points qui sont dans le Kitab Touhid, que Cheikh Fawzan a rapporté, les explique. C'est mieux de résumer, vous retenez mieux, Inch'Allah. Donc, on a dit, je répète, ne sont pas au même degré. Celui qui parmi les gens sait que ce qui est descendu sur toi, au Mohammed de ton Seigneur, est la vérité, sur laquelle il n'y a aucun doute et pas de divergence. Mais de plus, est totalement vrai. Chaque partie rend véridique l'autre. Ses ordres et ses interdits sont justes. Et celui qui est aveugle et n'est pas guidé vers un bien et ne le comprend pas, et même s'il le comprenait, ne s'y soumettrait pas ni le suivrait. Donc, Qultu, je dis, Cheikh Zayd, maintenant c'est Cheikh Zayd qui parle, il dit, celui qui considère attentivement le verset cité saura d'une science certaine que le savant en Allah et ses ordres n'est pas au même degré que celui qui vit dans l'action, dans l'ignorance et l'égarement, et qu'ils ne seront jamais tous deux sur une même ligne, car les contraires ne se rencontrent jamais et les opposés ne sont jamais conformes. Et vrai est la parole du messager du Seigneur des univers, yani Rasul Rabbil Alamin, comme l'a dit Cheikh Zayd, que la meilleure des prières et le plus complet des saluts soient sur lui, lorsqu'il dit, celui à qui Allah veut un bien, Allah lui fait comprendre ou lui apprend la religion. Alors ici une remarque par rapport à ce hadith, je vous rapporte l'explication ou le commentaire d'Ibn Daqiq Al-Aid, qui est un grand savant parmi les salafs, qui est un de ceux qui ont expliqué Bulugh al-Maram. C'est un savant très connu dans Ilm al-Usul. Donc, dans son explication de Bulugh al-Maram, hadith 1466, donc il y a ce hadith-là, il dit, donc on parle d'Ibn Daqiq al-Aid. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rapporter ici pourquoi on l'a appelé Ibn Daqiq al-Aid. D'où vient le nom Ibn Daqiq al-Aid? Personne? Daqiq. La farine, non? Ça ne vous dit rien? Rapporte, hein? Vas-y. Si je me souviens, c'est que son père était boulanger, non? Hein? C'est, si je me souviens, c'est Ibn Daqiq al-Aid, c'est que son père était boulanger. Allah alam. Donc, Ibn Daqiq al-Aid, je vous ai rapporté une petite histoire, c'est un mémo technique pour retenir le nom en fait. Ibn Daqiq al-Aid, dans son explication de Bulugh al-Maram, hadith 1466, dit le fiqh dans la religion. Hein, on en parle ici, man yurid Allah bihi khayran yufaqqihu fid din. On parle de fiqh. Le fiqh fi din, c'est l'apprentissage des règles, des bases. Dans le texte, Ibn Dakhil, il y parle de qawa'id l'islam. Et la connaissance du licite et de l'illicite. Ici, il rapporte un point important de la grammaire arabe par rapport à ce hadith-là. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fi din. Ça, on appelle ça un shart et un jawab shart. D'accord ? Dans le fiqh, il dit, c'est l'apprentissage des règles, si tu veux, des bases. Il a dit qawa'id l'islam, en fait. Ma'rifat qawa'id l'islam, il a dit comme ça. Même si vous voulez regarder le texte en arabe, retournez, vous pouvez voir le... Si vous n'avez pas le livre, je peux vous le photocopier, Inch'Allah, à cette page-là. Donc c'est Hadith 1466 de son explication de Bolor al-Maram. Il dit, le fiqh dans la religion, c'est l'apprentissage des règles ou des bases de l'islam et la connaissance du licite et de l'illicite. D'accord ? Et ce qui est compris dans la condition charte, parce que le professeur Azim l'a dit, man yuridillahu bi khairan, celui qui Allah lui apprend. D'accord ? C'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas vu cette règle en grammaire arabe, mais c'est très important au niveau de la grammaire arabe. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à la compréhension ici. Parce qu'Ibn Daqiq al-Aid, justement, qui est un spécialiste de l'usul, il dit, et ce qui est compris de la condition à shart, c'est que celui qui n'apprend pas la religion, eh bien Allah ne lui a pas voulu un bien. D'accord ? Donc faites attention, on doit tous faire attention à ne pas être parmi ces gens-là, et plutôt d'être parmi les gens à qui Allah voulait un bien, c'est-à-dire qu'on doit apprendre notre religion. C'est pour ça qu'on a rapporté ce hadith-là, d'ailleurs. Et j'ai trouvé ce point très intéressant, justement, pour... certains ulama appellent ça le mafhum al-mukhalafa, comme Shinqiti dans son tafsir, d'accord ? C'est que Allah Azza wa Jal, celui à qui lui veut un bien, eh bien, lui apprend sa religion, bah, qu'est-ce qu'on comprend par le contraire ? Mafhum al-mukhalafa, celui qui n'apprend pas sa religion, bah, Allah ne lui veut pas un bien. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre ici. C'est clair pour juste le petit commentaire du hadith ici d'Ibn Daqiq al-Aid. Inch'Allah, on peut revenir, Inch'Allah. Donc on a apporté une preuve qui était de surat. Première de surat. Baqara verset 31-33. Deuxième preuve du Coran. Ra'd verset 19. Et maintenant troisième preuve tirée du Coran. وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الآية. On dit الآية, c'est-à-dire تقدير أكمل الآية. C'est pour ça qu'on nomme الآية. Vous trouvez souvent après un verset, quand un cheikh cite le verset, الآية. Si on va mettre la voyelle, on va dire الآيata. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verbe qui a été retiré et qui est أكمل الآيata. Donc quand vous voyez آية, toujours الآية, c'est-à-dire que le verset n'est pas complet. Et le cheikh, en fait, regardez la précision des ulama quand il rapporte une chose en islam. Très important. Il dit pas le verset, il dit Al-Aya, c'est-à-dire que le verset n'est pas complet, fais attention. Donc ils sont très très précis. Al-Aya, ay, c'est-à-dire La yastawi man kana aliman bi rabbihi wa aliman bi dinihi shar'i wal jazai wa ma lahu subhanahu fi thalika min al-hikami wal asrar wa man la ya'lamu min thalika shay'an. Donc fais la comparaison entre les deux ici. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والظلام والضياء والنار والماء وغيرها من المتضادات إذن فالآية دليل صريح على فضل العلم ومقامه الرفيع وعلى فضل العلماء الفضلاء وشرفهم الشرعي الأصيل وعن بهم الذين يعملون بعلمهم في غبطة وسرور إذ لا لذة لذوي الإيمان في حياة العمل إلا في العلم بشرع الله الطاهر النقي والعمل به ابتغاء وجه الله ونيل رضاه والفوز بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. Donc troisième verset, troisième preuve tirée du Coran, toujours en tant que preuve par rapport à quoi ? Au fait de l'importance de la question de la science. Traduction approximative, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Surat Az-Zumar, verset 9. Donc il a dit, on a dit ici, attention, c'est une partie du verset. C'est-à-dire, donc c'est Cheikh Zayd qui commande ce verset-là, sont-ils au même degré ? Il va parler de deux types de personnes. Donc premier, celui qui est savant dans la connaissance de son Seigneur et dans la connaissance de sa religion, sa législation et ce qui en découle comme récompense ou châtiment. Et ici, le terme jaza, j'ai traduit par récompense ou châtiment. Et vous voyez que la langue française par rapport à la langue arabe, elle est faible. El jaza, on ne peut pas traduire ça par récompense. Ça peut être, hein, ça peut être les deux, récompense ou châtiment. Vous voyez? Donc faites très attention. J'ai essayé de traduire par le sens le plus maximum. Si vous regardez dans un dictionnaire, vous êtes peut-être le jaza, la récompense. Tu vois, hein, c'est vrai. Hein, mais jaza, il peut vous l'adresser le châtiment. Beaucoup de versets, on parle de jaza au niveau du châtiment. Donc le jaza ici, le terme jaza et que Cheikh Zayed a utilisé, je l'ai traduit par récompense ou châtiment. D'accord? Donc faites attention à ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Pour attirer l'attention sur le fait qu'il faut apprendre la langue arabe aussi. Et que la traduction, c'est comme notre frère Hassan Abou Asma, hafdallah, dit souvent, c'est une béquille. La langue française, c'est une béquille. Les traductions, c'est une béquille. Quand on utilise qu'on est handicapé et que, hein, ou qu'on est blessé, je sais ce qu'on aille mieux. J'ai toujours aimé cette image de Hassan Abou Asma, il a toujours bien résumé, et il a tout à fait raison, parce que l'asl, ça reste toujours la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe. D'accord? Donc je répète ma phrase, on a dit, sa législation est ce qui en découle comme récompense ou châtiment, et la connaissance des sagesses et des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Donc celui-là et celui qui ne connaît rien de cela, sont-ils au même degré? Vous connaissez certainement la réponse, évidemment non. Ceux-ci et ceux-là ne sont pas au même degré. Comme la nuit et le jour ne sont pas équivalents. Regardez l'exemple qu'il donne. Il donne un exemple visuel que tout le monde peut comprendre pour bien illustrer le fait qu'ils sont totalement à l'opposé. Ils ne sont pas au même degré. Il dit, comme la nuit et le jour ne sont pas équivalents. Comme l'obscurité et la lumière. Hein, il donne toujours des contraires. L'eau et le feu. Et d'autres exemples encore peuvent être pris parmi les contraires. Le verset est donc une preuve explicite de la préséance de la science et de sa haute position, et de la préséance des savants et de leur noblesse. Cheikh Zayed dit, commentaire important ici, qui l'entend par savant? N'importe qui? Non, il dit, j'entends par ceux, par cela, les savants, ceux qui pratiquent leur science, dans l'allégresse et la joie. Car il n'y a de plaisir pour les gens dotés de foi dans la vie d'action. Ici encore, j'ai difficile à traduire ce mot-là, dar l'amal. Comment on peut traduire ça? Dar l'amal. Hein? La vie d'action, de pratique. Hein? Dar l'amal, la vie d'action, de pratique, que dans la science de la législation pure et propre d'Allah. Donc on peut avoir de plaisir que quand c'est fait avec la science de la législation islamique, qui est donc pure, Tahira al-Naqiyya, pure et propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son application, avec quelle intention? Attention, elle est très importante et on va le voir, inshallah, après avec le point qu'on va faire de Cheikh Al-Uthaymeen dans Kitab al-Ilm sur l'Ikhlas. Il dit, avec l'intention d'agréer Allah. Juste cette intention-là, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que le succès par le bonheur ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Donc, quel est le fruit de cette science et de cette pratique de cette science? C'est le bonheur dans ce bas monde et la félicité dans l'au-delà. Donc, première preuve qu'on a tirée, c'est du Coran, c'était le Baqara, verset 31-33. Deuxième preuve, c'était Ra'd, verset 19. Troisième, verset 9. Et quatrième maintenant, preuve tirée du Coran. وقال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الآية. Même commentaire, c'est une partie du verset, donc c'est pour ça que Cheikh dit الآية. فإن في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعي والعلماء به حيث خصهم الله بالذكر من دون سائر البشر وقرن شهادتهم بشهادته الصادقة العادلة وشهادة ملائكته البررة الكرام وجعل شهادتهم تلك من أبرز الأدلة وأكبر البراهين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائه وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق وفي ضمنها تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى ودعاة الخير وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق للإتمام بهم وتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة التي ظفروا بها والتي لا يحدد قدرها أحد من البرية فهنيئا لهم ما ذكر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc ici le quatrième, la quatrième preuve tirée du Coran sur l'importance de la science et la noblesse et la préscience de la science et des gens de science. Traduction approximative. Et quand on vous dit de vous lever, j'étais dans le cinquième. Quatrième. Donc Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité adorée avec vérité à part lui, subhanahu wa ta'ala. Donc nul n'est adoré avec vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate Ali Imran, verset 19. Donc Cheikh Zayd commente ce passage en disant: il y a certes dans ce noble verset la mise en évidence de la préscience de la science, de la législation islamique et des savants. Car Allah les a cités de manière spécifique dans ce verset, sans citer qui que ce soit d'autre. Ici, un point très important, regardez la noblesse, subhanallah, des gens de science, et adjoint leur attestation à son attestation véridique et juste, ainsi qu'à l'attestation des anges. Et a fait de leur attestation une des preuves les plus évidentes de son unicité, subhanah, gloire à lui, et de l'authenticité de sa religion et de sa récompense et de son châtiment. Et il a rendu obligatoire, le mukallafin, c'est un mot qui est très difficile à traduire aussi, hein? Il faudrait un cours juste pour traduire ce mot-là. Donc on va traduire ça simplement en disant: il a rendu obligatoire à tous d'accepter cette attestation véridique qui clame la vérité, qui comprend en elle-même une déclaration d'équité, un ta'dil. Hein, vous connaissez la science du jarh wa ta'dil, un ta'dil. Hein, donc une déclaration d'équité, c'est-à-dire que les savants sont des gens l'udul, l'adl. Et pour définir, traduire ce mot-là, il faudrait un courant entier dans Mustalah al-Hadith pour voir c'est quoi l'adl. Hein, on peut le faire, Inch'Allah, mais on ne va pas essayer de pas trop sortir du cours, Inch'Allah. Donc un ta'dil pour les savants et que les gens suivent les savants et qu'ils sont les guides qui amènent à la guidance. Et les lanternes dans l'obscurité. Et ceux qui appellent au bien, ceux qui mènent à la virtuosité et à la félicité. Donc, al-salah et la félicité. Et à la réforme, al-islah. Ceux à qui Allah a permis de les prendre pour exemple et d'observer leur préscience et leur noblesse, ainsi que le degré qu'ils ont obtenu et dont personne parmi les créatures ne peut donner les limites de son importance. Personne ne peut connaître l'importance de cette noblesse-là et de la position de ces gens-là parmi la création. Une traduction vraiment très littérale de Hani Allahumma Dhukir, grand bien leur fasse. Et ici, Cheikh Zayd rapporte un verset qui résume bien ce fadl-là, cette préscience-là. Il a dit: Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim. On traduit ça en disant: telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Surat al-Hadid, verset 21. Donc, on résume par ce verset-là. Surat al-Hadid, verset 21. Qui sait me répéter les quatre premiers versets maintenant qu'on a tirés comme preuve du Coran sur l'importance de la science? Premier, c'était Baqara, verset 31 à 33. Deuxième, Ra'd, verset 3. Zumar. Ça, c'était le prochain. C'est juste, mais c'est le prochain. 3, c'était Zumar. Verset 9, en partie, Inch'Allah. Surat al-Baqa, 4, Surat al-Imran. Quel verset? Verset 19. Et maintenant, on va voir la cinquième preuve tirée du Coran, Inch'Allah. وقال عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. Encore une partie du verset. وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم وأن زينته وثمرته هما التأدب بآدابه والتحلي بفضائله والعمل بما دل عليه واقتضاه. Commentaire très court mais important. Donc ici, d'abord traduction de ce verset-là de sourate Al-Mujadala, traduction approximative, et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Mujadala, verset 11. Donc, Cheikh Zayd commente ce verset ici en disant: ce verset, comme ceux qui l'ont précédé, montre la préséance de la science. Et que sa parure, sa zina et son fruit, thamara, sont le fait de se comporter avec science et d'appliquer cette science. Donc, on en a vu 5. Inch'Allah, on va essayer de terminer juste l'épreuve du Coran aujourd'hui. Si je me souviens bien, j'en ai pris 8. Donc maintenant, 6e preuve tirée du Coran. قال عز شأنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Donc ici Cheikh Zayd, en commentant ce verset, il a rapporté pas mal d'opinions de différents exégètes du Coran, donc explicateurs du Coran. On va s'en limiter à une, inshallah. Et je peux donner les sources pour ceux qui veulent aller voir en plus en détail. Qila, un des avis, سموا بذلك pourquoi on les appelait ulama rabbaniyun, pourquoi on les appelait rabbani, سموا بذلك لانهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. Donc inchallah pour nous ce sera suffisant aujourd'hui par rapport à ce verset là. Donc ici le sixième, traduction approximative, mais au contraire il devra dire: devenez des savants obéissant au Seigneur puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et le terme rabbani, il est très très difficile aussi à traduire. Subhanallah, alhamdoulilah, je viens de me rappeler maintenant une définition que Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad a rapportée. Et il l'a citée d'après l'Arabi. Et c'est dans Fath al-Bari de Sahih al-Bukhari, je pense, si je me souviens bien. Il dit: l'alim rabbani, man kan aliman, amilan, muallima. Il a dit: l'alim rabbani, c'est celui qui est savant, aliman, amilan, qui pratique. Mu'alliman, qui enseigne. Donc ça, c'est une définition qui peut vous aider. Et si je me souviens bien, c'est l'alim rabbani, l'alim l'amil al-mu'allim, c'est cité de l'Arabi et c'est dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Vous vérifiez dans Sharh Nawawi de Cheikh Al-Abbad, inchallah. Mais je suis quasi certain, comme les Français disent 99, les Belges à 99%, que c'est dans Fath al-Bari et c'est de l'Arabi. Donc Cheikh Zayd ici cite plusieurs avis de différents exégètes concernant ce verset et on va se contenter de l'un d'entre eux, inshallah. Je vous regarde pas souvent, c'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est parce que le micro est de ce côté-là. Donc le verset, ouais, barakallahu fik, sourate Ali Imran, verset 79-79. نيكن زيفنتي دونك الشيخ زيد cite plusieurs avis de différents exégètes commentant ce verset. Nous nous contenterons de l'un d'entre eux. On les appelle savants rabbaniyun car ils éduquent les étudiants, ceux qui apprennent, avec les petites sciences, c'est-à-dire les choses basiques, les bases d'abord, avant les grandes, c'est-à-dire les choses plus complexes. Et pour ceux qui avaient déjà assisté avec moi une fois, on avait lu ensemble l'introduction ou la première partie du Sharh de Cheikh Al-Fawzan de l'Usul Talata. Il avait parlé de ça. Il avait insisté sur l'importance de prendre les petites choses avant les grandes et de poser des questions sur les choses qui sont utiles. Il avait utilisé un verset du Coran qui, pour ceux qui étaient là, qui s'en rappelle, Surat Al-Baqarah, sur ceux qui demandent après. Il est reparti, j'aurais voulu qu'il continue. On pourra le faire une fois, Inch'Allah, mais on reste dans le cours, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de sources par rapport à ce verset-là et par rapport à ces différentes aqwals, vous pouvez aller voir dans Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Jarir al-Tabari, ibn Jarir, qui est. On appelle Cheikh al-Mufassirin, Cheikh des Mufassirin, Ibn Kathir, qui est un excellent Ibn Jarir également, Tafsir Sa'di, qui est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin, qui est un contemporain, et qui est peut-être plus facile à comprendre pour des débutants, parce qu'il fait un Tafsir directement bil ma'na. C'est-à-dire que Tafsir Ibn Kathir et Tafsir Ibn Jarir, ils vont être plus avec bil athar. Ils vont plus rapporter Qala Mujahid, Qala Ibn Abbas, etc. C'est peut-être un peu plus difficile pour un débutant. Sa'di rapporte directement le verset, qu'est-ce qu'il fait déjà ce travail pour nous en fait. Et Al-Uthaymin lui-même, donc il est l'élève de Sa'di. Et dans Surat Ali Imran, il a été publié, l'exégèse de Cheikh Al-Uthaymin Ali Imran a été publiée en 2 tomes. Donc elle existe. D'accord, donc on avait 6 preuves maintenant, on en a 6. Hein. 7e preuve tirée du Coran, elle est tirée de Surat, on prend Surat Fatir. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc sourate Fatir, et c'est encore une fois c'est une partie du verset, verset 28. Donc ici Cheikh dit ولفضل العلماء بالله وبأمره فقد وصفهم بخشيته بل حصرها فيهم حيث قال إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية. وما ذلك إلا لأنهم يدلون على من خصهم بالعلم بقولهم السديد والسمتهم الطيب وعملهم الصالح المجيد. Donc ici Cheikh dit Allah les a décrits, c'est-à-dire les savants, comme ceux qui les craignent avec science. Car le verset ici justement, la traduction approximative dit parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et ici, je voudrais faire un point sur le mot khashia. Hein? Parce qu'un frère, une fois, avait fait une remarque par rapport à ça. Il dit sur le fait comment, il dit que Allah Azzawajal a mis la crainte, il dit que pour les savants. Justement, c'est, encore une fois, c'est un manque dans la langue arabe. Parce que le khashia, ce n'est pas le khawf. Et Cheikh Al-Uthaymin nous a expliqué la différence entre le khashia et le khawf. Qui peut nous la donner? Le khashia ou le khawf? Suleiman? Masha'Allah. Le khashia. La définition, c'est el khawf el mebni al ilm. On avait vu ça, dans, je pense, dans Kitab Tawhid ou Sulta Lata, je vous avais rapporté ça. El khashia, c'est la science, la crainte, afwan, basée sur une science. D'accord? C'est pour ça, regarde le verset, subhanallah, innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Il n'a pas dit innama yakhafu. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Donc ici, Allah les a décrits les savants comme ceux qui le craignent avec science et a limité cette crainte à eux. Et encore une fois, le mot ici, al-hasr, hein, difficile à reproduire en français, a délimité, a réduit cette crainte basée sur cette science à eux. Innama adatu hasrin. Hein? Innama. Pour les frères arabophones, ils vont plus sentir la force de innama. D'accord? D'ailleurs, un hadith très connu qui commence par innama l'amalu bin niyat. Obiniya dans Riwayat Muslim, Kitab al-Imara. Donc, innama, c'est-à-dire que cette crainte basée sur cette science est limitée à eux, réduite à eux. La traduction, on avait dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes la suite, Allah est certes puissant et pardonneur. Donc, 8e, Inch'Allah, et dernière preuve qu'on va citer, Inch'Allah, du Coran. Qui sait me répéter, c'est important peut-être de résumer avant de finir, Inch'Allah. Première preuve, c'était verset 33. Deuxième, c'est un peu difficile, mais on les donner dans l'ordre. Hein. Essayez, Inch'Allah, verset 19. Essayez sans les notes. Hein. 3, Zumar, verset 9. Quatrième, verset 19. Cinquième, sûr. Mujadala, Mujadala, verset 11, 6e, verset 119. Et maintenant, Inch'Allah, on a dit le 7e, hein? Al-Fatir, verset 28. Inch'Allah. Donc maintenant, 8e preuve et dernière, Inch'Allah, qu'on va citer. Cheikh Cheikh Zayd, avant de citer le verset, il rapporte, en fait, il prépare le fait d'amener le verset, il dit « وَيَكْفِي الْعِلْمِ شَرَفًا وَفَضْلًا وَأَهْلَهُ سَعَادَةً وَنَبْلًا وَنُبْلًا أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ إِمَامًا لِلْعَمَلِ وَشَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَقَبُولِهِ إِذْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. » Donc ici, c'est verset de sourate Muhammad, verset 19. Et on va s'attacher à la première partie du verset. « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. » Verset que vous connaissez, à mon avis, certainement, et que vous connaissez l'explication via les trois fondements de Mohamed Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il dit donc, Cheikh Zayd, hafidahullah ta'ala, il dit, il suffit à la science, en termes de noblesse et de préscience, de fadl, et à ces gens, c'est-à-dire les savants, en termes de bonheur et de noblesse, de savoir qu'Allah a fait de la science un guide vers l'action. Et imam, c'est aussi un mot difficile à traduire, il y a quatre sens au mot imam, qui reviennent souvent dans le Coran. Parce que quelqu'un peut les donner, ou bien si on passe et on verra c'est une autre fois. Il y a le sens guide, imam, il y a le sens ummah, communauté, il y a le sens savant. Hein? Guide, on avait dit ça. Hein? Sens livre, non? Fait imam et mubin. Hein? Et quatrième? Franchement, je l'oublie aussi. On le trouvera, Inch'Allah. Il est dans le Sharh Kitab Tawhid sur l'Athaymin. Donc vous voyez, même le mot imam, moi j'ai traduit ça dans le terme de guide, parce qu'il parle ici justement du fait de guider vers l'action. Et une condition, il a dit shartan li sihati, sihati wa qabulihi. Une condition à l'authenticité et à l'acceptation de cette action. Comme la traduction approximative du sens de la parole d'Allah nous dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Surat Mohammed, verset 19, il a donc débuté par la science avant la parole et l'action. C'est le titre d'un chapitre d'un livre très connu de hadith qui est Sahih al-Bukhari. Bab, al-ilm, qabla al-qawli wa al-amal, et puis Dalil justement après, en dessous, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Et une nocta très importante ici, c'est que les ulama disent que le fiqh al-Bukhari, sa compréhension de la religion, elle est dans tarajum. Dans les titres. Regardez le Bukhari. Certaines personnes disent, ouais, Bukhari c'est un muhadith, il n'a pas de fiqh, c'est pas un faqih. Rien qu'avec le titre, c'est une réfutation contre eux. Pourquoi? Parce qu'il amène une mis'ala et directement il amène le dalil. Dans le titre, il y a la mis'ala. Hein? Le fait de commencer par la science avant l'action, et directement il rapporte le verset. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc il rapporte le mis'ala, plus dalil, il y a c'est-à-dire bi aya min kitab Allah Azza wa Jal. Hein? Ça, c'est je parle au terme du titre, et directement après, et vous, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, dans Usul Talata, le cite. Hein? D'accord? Donc, de nombreuses preuves du Coran peuvent être encore citées sur la préscience de la science et des savants, mais nous nous suffirons, Inch'Allah, de ces 8 versets. Donc, maintenant, Inch'Allah, en termes d'exercice, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous mettiez deux par deux en paire, et que vous essayez de vous rappeler les points importants, pas les 8 versets, tous les points importants qu'on a cités, avec Dalil à chaque fois, Inch'Allah, et ensuite, en tâche individuelle, de les noter chacun sur une feuille. Je ne vais pas corriger, je ne vais pas les prendre, franchement, je n'ai pas le temps, mais c'est par rapport à vos notes, après, vous pourrez vous corriger vous-même, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, de vous mettre deux par deux, et d'étudier ensemble, d'essayer de vous rappeler les points importants de qu'on a vus aujourd'hui. Donc, tous les points importants qu'on a vus, et avec les dalil, les adillages, etc. Inch'Allah, on termine l'exercice. Donc maintenant, en termes de synthèse, qui s'est me rapporté, qui s'est cité, quelques points qu'il a retenus, donc les points les plus importants qu'il a retenus de la leçon. Chacun à son tour, il ne faut pas être timide, Inch'Allah. Vous savez que la timidité pour la science, c'est interdit. Parmi les deux types de personnes qui n'apprennent pas, c'est celui qui justement qui est gêné pour la science. Donc, si Inch'Allah, juste, maintenant, alhamdoulilah, vous avez travaillé un peu entre vous, ça rafraîchit un peu la mémoire. Ça fait toujours du bien de comparer ses idées avec quelqu'un d'autre, vos idées de quelqu'un d'autre. Donc, juste, citer, vous pouvez lever la main et dire voilà, on a vu telle chose importante aujourd'hui. Naam, tafadhal Abida. بالعربيه الفلامو اللي بغيتي دي نعم tu peux rapporter un dalil par rapport à ça tu peux rapporter un dalil next خين دليل Qui, Inch'Allah, qui peut rapporter un dalil par rapport à ça là, hein? Lève peut-être la main pour que. Rachid Non, Inch'Allah. Quoi d'autre J'avais posé une question. Par rapport à ça, ce serait la même chose le verset qui dit Hal yastawi ashab al-nari wa ashab al-jannah. Est-ce que ça va dans le même sens Ici, on parle, on spécifie au niveau de la science, le cours est sur la science, tu vois. C'est pour ça qu'il a cité celui-ci, cher, spécifiquement. Là, il a dit, donc, tu peux parler de supériorité, carrément. Là, bien sûr. Là. Ok, cher. Qui peut rapporter un autre point ? Donc le premier point que Bilal avait rapporté, c'était le fait que les gens ne sont pas égaux. Il a raison, par rapport à ceux qui ont la science et ceux qui n'en ont pas. Et on a demandé un dalil, et qu'est-ce que tu avais rapporté? C'est le verset de Sourate. Quelle Sourate? Non. Vous êtes sûr? Il a dit, c'est lequel que tu as rapporté? C'était « Hal yastawi alladhina ya'lamoun walladhina la ya'lamoun » Il a terminé le verset, il a dit Inna yatadhakkaru ulul albab. Zumar, verset 9. Donc ici, c'est bien une preuve évidente que Allah Azzawajal pose la question en fait. Hein? Et la réponse est évidente, et on a rapporté la réponse. Bien sûr qu'ils ne sont pas identiques. Hein? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. D'accord? Donc, qui voulait rapporter un autre point important qu'on a vu aujourd'hui? Que toute chose, elle commence par la science. La science, elle prédomine tout en fait. Elle prédomine la parole et l'action. Non. Tu peux rapporter une preuve par rapport à ça? Sur Surat al-Baqarah, sur la création d'Adam, alayhi salatu salam, quand Allah il prédomine la science. Il y a une preuve, je répète à chaque fois ce que tu dis pour les gens que ce ne sont pas le talk en fait. Donc le frère ici rapporte un point important, un point bénéfique qu'on a apporté aujourd'hui, c'est que la science... C'est un guide et ça précède, ça prédomine la parole et l'action. Mais je pense qu'il y a une preuve plus spécifique qu'on a rapportée aujourd'hui. Et ce n'est pas sur le Baqarah, c'est la sourate qu'il y a juste après. Non, c'était de sourate Mohammed, verset 19. C'est exactement. Fa'alam annahu la ilaha illa hu wa astaghfir li dhanbik. Donc on a rapporté d'abord le tawhid, la science. Fa'alam, sache. Et après, c'est-à-dire, et on avait rapporté le titre de Sahih al-Bukhari qui était, du chapitre Sahih al-Bukhari qui était la science avant la parole et l'action. Donc c'est un point important, mashallah, barakallahu fik. Quoi d'autre encore d'important? Tout le monde peut participer. Hein. Et Allah Azza wa Jal, il met en évidence comment je vais expliquer ça? La preuve de son nécessité, il l'a utilisée comme preuve. Je vois ce que tu veux dire, mais essaie d'être plus... Si quelqu'un peut l'aider, peut-être il a rapporté un point très important qu'on a vu aujourd'hui aussi. Ouais. Comment on le voit et par rapport à quel verset, Mourad ? Allah, il a fait des éloges des gens de science parce qu'il a joint son attestation avec l'attestation des gens de science. Machallah. Très juste. Le verset, c'est ? Tfadal. Oui. Annahu la ilaha illa hu wa... والملائكة وأولو العلم أولو العلم قائما بالقسط السيد فرسي لا إله إلا هو العز الحكيم d'accord donc ici c'est un point très très important c'est regardez subhanallah la noblesse des gens de science c'est qu'Allah Azza wa Jal il a joint leur attestation à son attestation véridique rahmukullah et juste qu'on avait dit hein, dans qu'il l'a joint et à l'attestation des anges aussi Par rapport à quoi ? Subhanallah, le point le plus important, وحدانيت الله عز وجل, توحيد. Regardez la noble. Pourquoi, maintenant on recadre le contexte, pourquoi on a rapporté toutes ces preuves ? Pourquoi on a rapporté tous ces bénéfices de la science ? Pourquoi on parle de l'importance de la science ? Mais justement parce que, en termes d'introduction, je pense que c'est quand même important, puisqu'on est là pour apprendre la science, justement. Hein? En termes de motivation, en termes de savoir justement qu'est-ce qu'on est en train de faire ici avant de le faire. D'accord ? Qui peut rapporter un autre point important ? Un point qui joue à ce qu'on vient d'évoquer par, hein? Par rapport au savant. Hein? Dans le sens accroché du verset, seul le savant craignent Allah. Ouais, je pense que la traduction approximative, c'était parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah Azza wa Jal. Et si on avait rapporté un point très important que Cheikh Al-Uthaymeen, une définition de Cheikh Al-Uthaymeen qu'a donnée, qui en fait, qui est la réponse d'une question, quelle est la différence entre Al-Khashia ou Al-Khawf ? Quelle est la différence entre Al-Khashia ou Al-Khawf ? Qui s'est donné la réponse ? Malik, il a levé la main, donc je suis obligé de... C'est la crainte basée sur la science, naam. Ça, c'est la différence entre Al-Khashia ou Al-Khawf. C'est une définition donc, donnée par Cheikh Al-Uthaymeen. مبنية إلى فدي شغلة ثانية مبنية مبنية على العلم الخوف c'est la peur et si tu veux qu'on regarde le خوف il faut voir les différents genres de peur ils sont rapportés dans le قول المفيد على دلالة التوحيد de شغل الوصابي ils rapportent les différents types de خوف ils sont rapportés dans شرح كتاب التوحيد aussi de شغل الثامين ils rapportent la peur naturelle خوف طبيعي la peur qui est عبادة la peur la peur interdite, la peur autorisée, la peur, etc. Donc il faut traduire ça simplement pour le moment par peur. Et khashia, ou crainte, par peur, mais basée sur la science. Je pense que c'est le point important d'aller, Inch'Allah, tout doucement, le point important à retenir aujourd'hui, Inch'Allah. Qui encore, qui veut rapporter un point ? Il y a quand même pas mal de points qu'on a vus qui... Exactement, non, mashallah. Donc le frère ici rapporte le fait qu'on a appris aujourd'hui, ou on a vu ensemble, la définition de l'alim rabbani. Par rapport à quel verset ? Pourquoi on a cité l'alim rabbani ? Par rapport à quel verset ? Qui est ? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Hein ? Ici, il y a beaucoup d'aqwal. On ne les a pas rapportés. Abdullah ibn Abbas, il a dit kunu hukama fuqaha. Il y a beaucoup d'aqwal, mais on en a rapporté un. On a dit quoi ? Summu bidhalika li'annahum yurabbuna al-mut'allimina. On avait dit que l'alim rabbani, c'est celui qui apprend les petites choses, les choses basiques, avant les grandes choses. Inch'Allah, c'est ce qu'on va essayer de faire ici, ensemble, Inch'Allah, par rapport au tirabia. C'est des bases, la croyance, le tiba', c'est des bases de la religion, des hadiths qui sont courts, mais qui sont très très importants dans la religion, 21 hadiths, et que le tirabia, justement, a écrit pour des étudiants. Quels étudiants ? Les étudiants de l'université de Médine. Donc lui, c'est un muhadith très connu, c'est un savant du hadith. Il a juste compilé et expliqué 21 hadiths qui touchent à la croyance à l'étiba, une base. Au sultalata, une base, hein, etc. Yani, toujours la base. Moi, je ne connais aucun savant qui, dans sa biographie, a commencé par autre chose qu'au sultalata. Un cheikh nous avait rapporté que non seulement ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait qu'une fois, ils l'ont fait plusieurs fois. Des fois sur plusieurs chiures différents, avec plusieurs savants différents. Donc, sur le talatin, c'est vraiment un livre très important, un livre de base. D'accord ? D'ailleurs, Cheikh Mu'allim lui dit, c'est obligatoire pour nous d'apprendre, donc on rentre dans le wajib. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça ? Walakin kunu rabbaniyin. Et j'avais donné une définition. Quel cheikh a rapporté ? Cheikh Al ? Abdul Muhsin Al-Abbad. Mashallah, Abdul Muhsin Al-Abbad, qui était un grand savant, qui est encore vivant, hein, à Médine, qui est un savant du hadith, qui est une montagne dans le hadith, une montagne dans la science, qui est parmi les plus savants à notre époque aujourd'hui, et qui explique donc les livres de la sunna, je pense qu'il est au dernier maintenant, de ses livres à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a son fils également, qui est un grand savant, qui est un savant, qui est Abdurzaq al-Badr, hafidahumullah jami'an. Donc, Cheikh Al-Abbad, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a cité la parole de l'Arabi, il a dit, من كان العالم رباني من كان عالما عاملا معلما c'est-à-dire que celui qui sait العالم رباني c'est le savant qui sait et en plus qui pratique yani qui hein, qui acte, acte opponent, hein, c'est l'anglais ça, hein, et qui apprend, qui enseigne aux gens. Donc c'est l'alim rabbani, très point très important ça. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre qui s'est donné? Mashallah. Et des règles et des bases de la religion aussi. Celui qui n'apprend pas la religion, c'est qu'Allah ne lui veut pas du tout. Ça, c'est un hadith. C'est un hadith qui est dans le Bukhari Muslim, mais on avait rapporté qu'il était. On a tiré l'explication là. De quel livre, Boulour al-Maram? De quel shir? Ibn Daqiq al-Aïd. Il a expliqué ce hadith. Hadith 1466, il a dit: Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi d-din. Il a rapporté un pas important dans la langue arabe ici. Par rapport à. Il a utilisé un autre mot, il a dit un mot très simple, je conditionne en arabe, chart, il a dit chart. Pourquoi j'ai dit c'est très simple? Parce que le professeur Samuel a dit celui qui, man, c'est une condition en arabe, celui qui, Allah qui veut Allah bien, eh bien il lui apprend sa religion. C'est-à-dire que si la condition n'est pas là, ben, le masalot il n'est pas là non plus. Hein. Dit, si tu n'apprends pas ta religion, ben, Allah ne te veut pas ce bien-là. Allah ne te veut pas un bien, pour coller plus à littéralement la traduction, d'accord? Donc on avait rapporté le danger justement de ne pas rentrer dans cette catégorie-là. Il y a deux catégories là, il y a celui qui apprend et celui qui apprend pas. Donc celui à qui Allah veut un bien et celui qui Allah ne veut pas un bien. Allah al-musta'an. Qu'Allah fasse qu'on fasse parmi tous ensemble de la bonne catégorie, de celui Allah qui veut un bien et qui apprend la religion. Donc le frère a rapporté un point important ici, il a dit quoi? Il a dit que le fiqh fi d-din, c'est, Ibn Taqir al-Aïd l'a expliqué, hein? Pourquoi je l'ai rapporté? Pour éviter justement les erreurs de traduction, pour comprendre bien le sens, c'était quoi? C'est ma'rifat, na'am, Hassan, qawa'id l'islam, l'haram, na'am, mashallah. Donc c'était quoi? C'est la connaissance des bases, qawa'id l'islam, des règles de l'islam, et du licite et de l'illicite. Na'am. Qui peut rapporter? Mashallah, on a rapporté pas mal de points, mais il y en a encore, hein? Elle est pour ceux qui n'ont pas trop levé la main, et les autres. Vous pouvez vous aider des notes, hein, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour rafraîchir la mémoire, aider à avoir l'esprit de synthèse. C'est important, ça, après un cours, toujours d'avoir l'esprit de synthèse. Et je vous conseille d'ailleurs de résumer. De résumer le cours et de tirer vraiment en termes de points. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Et vous pouvez comparer entre vous, d'ailleurs c'est l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est de pouvoir tirer de la leçon les points importants. D'accord? Ce qu'en anglais on appelle dans le teaching plenary, c'est-à-dire le fait à la fin de voir si l'étudiant est capable de reproduire ce qu'il a appris et de synthétiser ce qu'il a appris. Et un point important pour le professeur, pour voir s'il n'y a pas de lacune dans la compréhension. Il ne m'ayrcha Allah, ha? Na'am, mashallah. Adat hasr. Barakallahu fik. Donc c'est-à-dire quoi? Le frère ici nous rapportait un point important. C'est innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. On avait rapporté que innama, on a essayé de traduire ça un peu. Hein? On a dit que seul parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants qui craignent. Hein? C'est-à-dire que innama, seul, spécifiquement, c'est limité à eux, qu'ils craignent Allah azza wa jal d'une crainte basée sur la science. Quoi d'autre? Combien de preuves on a tiré du Coran? Oui, Inch'Allah. Donc la prochaine étape, c'est le hadith. Donc c'est une méthodologie très importante chez les gens de la sunna. C'est le Coran, Kalam Allah Azza wa Jal, la sunna, même Sahih Sunna, c'est la sunna authentique. On prend les hadiths, etc. Qui touche à la science. On ne va pas en prendre beaucoup. Je pense que un ou deux, c'est suffisant, Inch'Allah. Et après, on va prendre des aqwal salaf, les paroles de nos pieux prédécesseurs, et à leur tête, évidemment, sahaba, radiallahu anhum, jami'an. Donc, c'est important, cette méthodologie, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahaba. Qu'est-ce que Ibn al-Qayyim a dit? L'ilmu, dans Nouniya, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabatu, wa hum uli l'irfani. D'accord? Regardez Ibn al-Qayyim, quand il a expliqué dans Nouniya, il a dit, l'ilm, c'est quoi? Qala Allah, qala Rasul, qala sahaba. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Et vous allez voir que dans la méthodologie Cheikh Rabia, ça va être la même chose. Inch'Allah. On va porter toujours des versets, des hadiths, et des paroles de salaf pour expliquer le Coran et la Sunna. D'accord ? Inch'Allah, on va en finir aujourd'hui ici. Subhanak Allahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan. Inch'Allah, vous êtes nombreux aujourd'hui. Barakallahu fikoum pour l'effort, parce qu'il est quand même un peu tard. Et juste un point important que je voulais rapporter par rapport à la science. Ceux qui veulent y aller, peuvent, mais ça risque d'être intéressant. C'est que une des fawa'id de la science, ou plutôt si on veut voir le contraire, regardez la ni'ma d'être musulman. Et la ni'ma, la bénédiction, d'être musulman et d'être de comprendre, inshallah, l'importance de la science. D'accord ? Si vous analysez, par exemple, les chrétiens, eh bien, vous allez voir qu'ils adorent Allah Azul avec ignorance. D'accord ? Une petite histoire que je raconte, inshallah, vite, qui m'est arrivée en Belgique. J'étais avec un ami, on avait l'habitude d'étudier après le Fajr ensemble. Et après, ensuite, on s'est rendu au marché pour faire des courses, des emplettes. Et sur place, j'ai trouvé en fait des prêcheurs américains, des protestants, qui étaient en train de faire da'wah aux arabes, qui étaient en train de les appeler au christianisme. D'accord ? Et donc, ils parlent anglais, mon anglais à l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui, hein, même s'il n'est pas déjà pas terrible aujourd'hui. Mais j'ai voulu discuter avec eux, parce que je suis retourné à la maison, j'ai dit au frère, écoute, Mohamed, on doit retourner les voir. Ces gens-là sont en train d'appeler, ils ne connaissent peut-être pas la vérité, on doit aller les voir et discuter avec eux. On est retourné, on les a retrouvés, c'était une femme et deux hommes. Je commence à discuter avec eux, j'ai demandé en fait qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Et bon, ils m'ont pas dit tout de suite qu'ils prêchaient, hein, mais je l'ai deviné. Et on a commencé à discuter, et en fait dans la discussion, moi je suis parti directement dans l'asma sifat, dans les noms attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aqida. Et ils n'avaient aucune base, ils étaient perdus. Ils n'avaient aucune science, même dans la croyance qui est la base d'une religion, ils étaient perdus. Et on a commencé à discuter, parce qu'eux, ils croient qu'en fait, Jésus, Isa alayhi salam, on croit en Jésus, pour nous, c'est un prophète, hein, il est au degré de prophète, on l'aime en tant que prophète, mais on n'adore pas Jésus, on n'adore pas Mohammed, alayhi salatu wassalam, d'accord. Ils ont tous été envoyés avec un message, et le dernier, c'est Mohammed, alayhi salam, avec le message qui abroge tous les autres, hein. Ils sont tous venus avec l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute façon, d'accord, hein. « Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun » Donc tous les messagers sont venus avec ce message-là. Et donc, j'ai essayé de leur expliquer, en fait, et je leur ai demandé, quelle est votre croyance en Isa alayhi salam. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez que c'est le fils d'Allah? Ils n'ont pas dit oui, évidemment. Ils ont dit, non, en fait, pour nous, c'est une représentation d'Allah sur terre. Alors, on est rentré dans l'asma sifat directement avec eux, on leur a dit, pourquoi Allah a besoin d'être représenté sur terre? Et le fait que vous dites qu'Allah est représenté sur terre par Isa, par Jésus, Jésus, c'est un homme. Il boit, il mange, il dort. Il se repose, il est fatigué. Alayhi salatu wassalam. Hein? Notre prophète Isa, Jésus. C'est juste ou pas? D'accord? Je dis, or, Allah Azza wa Jalla a les attributs de perfection. Et les noms parfaits. Comment Allah Azza wa Jalla qui est parfait, les attributs de perfection, peut à certains moments avoir des attributs d'imperfection? Ils n'ont pas su répondre. Regardez l'importance de l'aqida et de la science. Comme quoi, eux, et c'est à ça que je voulais en arriver pour conclure, c'est qu'en fait, ils sont en train d'appeler à quelque chose sans même avoir la science. Ils ne savent même pas sur quoi ils sont, et ils ne connaissent même pas le contraire de sur quoi ils sont. Or, nous, en tant que musulmans, on adore Allah Azul avec science. Et quand on débat avec science, on parle avec science, et si on n'a pas, on demande aux gens de science. Tout ça encore par rapport à la science. Ils étaient un peu perdus, et ensuite on a continué à discuter là-dessus. Et je leur ai dit, comment vous pouvez donner Allah Azzajal un associé? Or qu'Allah, il nous a créés, il subit à nos besoins. Hein? Il nous fait mourir, il nous fait vivre. Il a créé toute la création pour être hein? Pour nous être utile dans notre adoration. Hein? Allah, il a créé les djinns et les hommes que pour qu'il l'adore. Lui, subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande injustice d'adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je peux adorer quelqu'un d'autre? La femme à ce moment-là a réagi, de manière un peu virulente d'ailleurs. Elle a dit, oui mais, elle a dit en anglais, elle a dit, God said to Moses, we are, yani, nous sommes. Il a dit ça, dalil qui sont plusieurs. Alors je lui dis, nous en arabe on appelle ça damir l'azama. Puis il y en a, il a dit, ah oui, et puis je dis, ah, tu parles arabe, machallah. Ça c'est bien pour moi ça. Et puis il n'avait pas l'arabe assez pour, il y en a d'entre eux qui parlent arabe, hein, mais pas assez pour pouvoir discuter avec moi. J'ai dit, je lui dis, le roi, quand il dit, nous sommes, il est un ou ils sont plusieurs? Elle a dit, il est un, parce qu'il parle avec majestuosité. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'on va dire d'Allah, Rabbil Alamin? Elle ne savait pas répondre non plus. Donc, vraiment l'importance d'apprendre la science et d'être sûr, de savoir sur ce qu'on est en détail avec Adilla Shara'iyya, et parmi la plus importante et la plus noble des sciences, la science de l'aqida, de pouvoir expliquer aux non-musulmans, de pouvoir expliquer, ça nous arrive dans la vie, surtout nous qui vivons dans ce genre de pays, hein, on se retrouve tout le temps dans le train, à la station de métro, au bus, n'importe où au travail, on se retrouve toujours avec des non-musulmans, ou même avec des musulmans qui connaissent pas eux-mêmes leurs croyances. Donc le fait d'avoir cette science-là fait qu'on est quoi? Des du'at ila al-khir, comme il a dit Cheikh Zaid ici, du'at ila al-khir. On peut montrer, il y a beaucoup de non-musulmans qui cherchent la vérité. Mais qui est là pour leur montrer cette vérité justement avec ilm, avec patience, avec bon comportement, de pouvoir répondre à leurs ambiguïtés? Beaucoup ils ont des ambiguïtés, ils ne savent pas en fait, tout simplement. Ils posent des questions, ou des fois ils n'osent même pas de poser des questions, essayer d'amener la discussion, de répondre calmement, etc. Et souvent, j'ai déjà discuté avec plusieurs, notamment des chrétiens, et souvent à la fin ils disent, Naam, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. En fait. Quand tu les mets devant le fait établi, et quand tu réagis comme ça avec preuve, قال الله قال الرسول, hein, on peut en discuter, on peut avoir des histoires comme ça, on pourra raconter jusque. Et c'est important parce qu'il y a peut-être des non-musulmans qui nous écoutent. C'est important de rapporter ça. Hein? D'accord? Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc la science, c'est important, Inch'Allah. Et on va essayer d'être constant, Inch'Allah, au Dorus ici.